Bon, on va parler de quelque chose là de vraiment intéressant, puisqu'il s'agit de Africa, avec un K, le nouvel opus de Herman. Alors Herman, ça devient un peu un grand nom de la BD, ça fait longtemps qu'il est là maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait Herman? Fait Jérémia. Il a notamment fait Jérémia. La fameuse série à la Mad Max. Qui a été adapté en série télé par les Américains. Oui, série post-apocalyptique Jérémia, qui était assez intéressante. Il n'a absolument pas fait que ça, puisqu'il a aussi fait Comanche, notamment. Et en fait, le début de sa carrière, c'était Jugurtha. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jugurtha. Il en a fait quelques-uns, puis il a vite passé le flambeau. Oui. Jugurtha, c'était un peu un espèce de Raon en bien. C'est ça, hein. Un côté un peu Torgal aussi. Avec un côté un peu Torgal, oui, voilà. Un peu bizarre, préhistorique, comme ça, super, super étrange. Et alors, Herman est un des derniers grands auteurs avec des majuscules, si je peux dire ça comme ça, puisque il conceptualise, il scénarise, il découpe, il dessine, il fait tout lui-même. C'est un vrai auteur au sens de auteur de film, comme on peut faire la distinction entre les réalisateurs américains et les auteurs français. C'est un peu cette politique-là, Herman. Et donc, petit à petit, il prend de la bouteille. Le garçon, il nous propose des histoires de plus en plus sérieuses. Et ici, c'est un album qui est paru au Lombard, qui s'appelle Africa, qui est un one-shot. Donc, complètement en dehors de cette autre série. Il n'a pas dit s'il allait en continuer. C'est une histoire africaine, évidemment. C'est l'histoire de Charlotte, reporter française qui débarque en Afrique pour aller à la rencontre de Dario Ferrer, qui est gardien d'une réserve naturelle qui borde la Tanzanie et qui est lui-même un ancien mercenaire au passé pas très net, qui est plutôt rugueux, on va dire, d'un abord assez difficile. Et donc la pauvre Charlotte va débarquer et c'est vrai, va un peu faire la petite citadine en mal de sensations fortes. Le Dario Ferrer en question ne va pas du tout lui mener la vie facile. Elle est venue pour faire un photoreportage, mais on dirait que ça l'emmerde plutôt que le reste. Pourtant, la vie de Dario Ferrer, c'est une vie qui explique qu'il soit comme ça, parce que gardien de réserve naturelle en Afrique, c'est quand même du solide. Il a des emmerdements avec les braconniers, ça se termine souvent en bagarre et il y a souvent des morts. Et puis la politique des États africains n'est pas toujours extrêmement claire en matière de pillage des ressources naturelles. Et donc ce sera une histoire un peu compliquée où à la suite sans mettre trop loin, Dario et Charlotte vont être témoins d'un truc qu'ils n'auraient pas dû voir. Je vais pas raconter l'histoire parce que ça n'a pas d'intérêt si vous ne le découvrez pas, mais ils vont voir un truc où clairement le gouvernement est pas très droit dans ses bottes et il n'aurait vraiment pas dû être là, parce que là, Dario sait lui très bien qu'il leur reste très peu de temps à vivre s'il ne décampe pas à grandes enjambées et s'il ne quitte pas le pays. Et donc c'est ce qu'ils vont faire, et cette traversée de la jungle va évidemment être plus difficile que prévu. Ça va nouer des liens, ça va casser des choses, et leur relation ne sera plus du tout la même. Charlotte retournera en France avec quelque chose de plus à dire que ce qu'elle était parti pour dire, et puis Dario continuera sa vie d'une manière que vous découvrirez en lisant le roman. En lisant, c'est un beau lapsus ça en fait, parce que c'est tout à fait une histoire de roman. C'est romanesque sans être mièvre, sans être à l'eau de rose, c'est aventureux, c'est épique, et c'est surtout extraordinairement beau. C'est vraiment, je disais beaucoup de bien de la BD Zoo de Franck hier, mais pour moi, Herman est... La semaine passée, Xavier. La semaine, j'ai dit quoi ? Hier. Ah oui, non, c'était pas hier. Oh, mais c'était presque hier pour moi, c'était tellement bien. Herman, c'est quelqu'un qui pratique la couleur directe, donc il encre et il fait ses couleurs directement sur ses planches. C'est d'une beauté incroyable, c'est l'Afrique. On est plongé dans les décors, on est plongé dans l'histoire, et c'est absolument passionnant, du début à la fin. Les personnages sont extraordinaires, les thématiques qui sont développées sont d'une profondeur et d'une subtilité qui n'est que rarement égalée, même dans certains documentaires sur l'Afrique. Donc c'est extrêmement réaliste, c'est très ancré dans le réel, voilà. C'est vraiment très, très près des gens, très près des choses. Tu sais que je touche des droits sur cette expression. Ah oui, pardon, mais bon, j'ai des pièces si tu veux après. Non, c'est des billets, zut. Donc ça fait tout à fait la qualité du récit. Parce que c'est désabusé, mais pas totalement. C'est plutôt nihiliste. c'est pas vraiment une BD négative, c'est un constat sans phare, sans illusion, d'une réalité africaine qui est dure, terriblement dure, dans laquelle des hommes sont broyés, et l'histoire de personnes au milieu de ça. Donc c'est vraiment très très très très beau. Ça s'appelle Africa, dans la collection signée, très belle collection chez Le Lombard, qui propose des albums un tout petit peu plus grands que la moyenne, à peu près un centimètre de plus en hauteur. Et donc si vous ne connaissez pas Herman, plongez dedans, vous ne serez pas déçus, et ça vous donnera peut-être envie de découvrir la suite de son œuvre, qui recèle d'autres trésors.